Micro ouvert. On nous vend souvent l'approche prohibitionniste comme soucieuse de la santé et la sécurité des citoyens. Ce qui est démontré dans l'ensemble des publications, c'est que c'est l'inverse. C'est qu'en fait, il y a des dommages en termes de santé qui sont directement imputables à cette approche prohibitionniste. Lise Meunier, addictologue. Moi, j'aimerais qu'on arrive à examiner ces questions-là d'un point de vue santé, sans que ce soit des questions morales, des questions d'opinion, de point de vue politique. Platement, quel est l'impact sur la santé de ces dispositifs, de cette approche prohibitionniste? C'est tout. En fait, c'est démontré. L'impact, il est désastreux. On a les outils, on les connaît, les pistes, elles sont connues. C'est dans la littérature scientifique depuis combien, 20, 30 ans? Et là, on a une formidable occasion de faire bouger des lignes auprès de nos décideurs politiques. Et c'est pour une bonne cause. C'est parce qu'on a un cap à tenir qui est l'élimination de l'hépatite C pour 2030. Et ça, on n'y arrivera pas s'il n'y a pas un élargissement des dispositifs de réduction des risques, si ça ne bouge pas en prison en Belgique concernant la réduction des risques, et si on conserve cette approche prohibitionniste, tout ce qui est lié à la stigmatisation, parce que c'est ça le problème, nous permettra de traiter davantage et de considérer que l'ensemble des soignants considèrent et traitent les usagers de drogue comme n'importe quel citoyen. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, beaucoup d'usagers de drogue ne sont pas traités pour leur hépatite C, parce qu'on les considère comme pas fiables, on a peur qu'ils ne prennent pas correctement leur traitement, etc. Ce qui est faux. Il y a de la littérature scientifique démontre que les traitements sont très bien conduits. Aujourd'hui, il nous manque des outils. Salles de consommation moindre risque, programmes d'héroïne médicalisée qui sont implémentés depuis longtemps dans d'autres pays, qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent avec un impact positif en termes de santé publique, mais également en termes de coût-efficacité. On parle de soins, donc stop la loi de 1921. Go, c'est parti. Rue Van Artevelde, numéro 130, c'est ça? C'est ça, on est à Modus Fiesta, donc 130 rue Van Artevelde. C'est l'antenne festive de Modus Vivendi. On est une ASBL qui fait de la réduction des risques liés à l'usage de drogue, principalement en milieu festif. Je m'appelle Ilia, moi je suis travailleur social et je travaille à Modus depuis 6 ans, je crois, 5 ans. On s'en fout. Et je suis responsable du projet Fiesta, qui est un lieu d'accueil où les gens peuvent venir poser leurs questions, discuter de conso de manière libre, sans jugement. Et le vendredi, on a un chimiste qui est là et qui fait de l'analyse de produits psychotropes, c'est-à-dire que les gens peuvent déposer leurs produits et on va dire ce qu'il y a dedans et leur dire les risques qu'il y a ou pas, enfin les risques qu'il y a liés à ce produit et s'il y a des produits de coupe dedans. Voilà en gros où on se trouve. Très bien. On ne le voit pas, hein, c'est ça la magie de la radio. Autour de la table, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Quoi, on fait une petite présentation, hein. Alors je le disais hors micro, hein, si vous ne voulez pas vous présenter, vous ne vous présentez pas, mais c'est toujours chouette d'entendre un prénom et un peu qui vous êtes, quoi. Alors moi, on peut m'appeler Henri, donc je suis consommateur de drogue depuis une dizaine d'années. J'ai commencé ça assez jeune et Modus, c'est un endroit où je connais pas mal de copains. Et du coup, c'est pour ça que je suis là ce soir. Je ne m'attendais pas à avoir un micro ouvert, mais je pense que ça peut être une bonne occasion d'un peu discuter. Et donc voilà. Moi, je m'appelle Camille. Ça fait aussi quelques années que je viens ici. Je ne sais plus combien. Je suis consommatrice, mais plus autant qu'avant. Donc, je crois que Modus m'a bien accompagnée pour ça. Voilà. Et quand on dit consommatrice, c'est de quoi? Bon, un peu de tout. Voilà, c'est ça. Bon. Bah, surtout d'alcool. Mais bon, voilà. Du coup, où est-ce que j'en étais? Oui, je ne m'attendais pas non plus à ce micro ouvert, mais super chouette. Et voilà. Très bien. Je m'appelle Céline, j'ai 23 ans. Je suis étudiante ici à Bruxelles. Je viens aussi à Modus depuis quelques années, mais de façon assez ponctuelle. Bonjour, moi je m'appelle Otman. J'ai plus consommé de drogue depuis pas mal d'années. Et puis voilà, je suis en petite visite. Bonjour tout le monde. Et de drogue, quel genre de drogue? Des drogues, de la cocaïne, des extas, du speed, des joints. Je dois sûrement en oublier. Oui, je vois à mes côtés, on me dit oui, tu en oublies là. Du LSD effectivement. Ouais, ça laisse quelques séquelles à la mémoire apparemment. Voilà, c'est un petit résumé. Alors moi c'est Chris, j'ai 30 ans, je suis consommateur depuis une quinzaine d'années, et voilà. Consommateur de quoi? C'est marrant, vous dites tous je suis consommateur. La liste serait trop longue, j'essaye de rester dans un usage récréatif, et j'essaye de juste pas prendre de l'héroïne et tout ce qui s'alimente autour de cela. Bon, on discutera de ça après, hein. On a envie de dire pourquoi, mais... Moi, c'est David, j'ai 32 ans, je suis assistant manager. Assistant manager en quoi? En distribution de fruits et légumes bio. Ok, ok. Consommateur depuis 18 ans. Et voilà. Aussi consommateur de tout? De tout. Je m'appelle Shirley, j'ai 23 ans et je suis consommatrice depuis 8 ans. De beaucoup de choses, MDMA, LSD, kétamine, ce qui passait. Donc voilà. Bon, ben, enchanté tout le monde. Hein. Comment on mènerait un peu la discussion? Comment vous voulez, comment vous voyez, comment vous avez envie de l'amener, la discussion sur cet endroit, sur la consommation, sur... dis-moi. Oui, il y a une question que je me pose. C'est pourquoi vous êtes arrivé, comment vous êtes arrivé à Modus? Parce que moi, j'y suis venu parce que il y avait une offre d'emploi, mais vous? Tu veux y aller ou j'y vais? Moi, c'est vraiment parce que j'étais en soirée et je crois d'ailleurs qu'on s'est rencontrés là et que tout le monde nous a dit ah, passez à Modus, c'est vraiment trop cool, vous allez voir, on peut en parler et tout, c'est sympa. On s'est retrouvés ici, je crois qu'on était d'ailleurs un petit peu sous, peut-être un peu défoncé, mais bon. Voilà, et au final, on est resté. Voilà, c'est assez rigolo. Mais c'est un bon souvenir. Du coup, moi, c'est aussi assez marrant. C'était en festival, donc à l'époque, je consommais déjà depuis quelques années, mais donc de façon assez taboue. Et tu consommais quoi? Du coup, un peu comme tout le monde ici, je pense, MDMA, ecstasy, speed, coke, tout sauf effectivement les drogues comme l'héroïne, les EPC, etc. Et du coup, je suis tombée sur une amie qui était jobiste à Modus, et donc qui m'a amenée au stand pour montrer comment c'était. Et ça me paraissait fou que les gens parlaient de ça comme ça et tout, donc j'ai retenu le nom et j'étais sur le site. Et du coup, sur le site, il y avait un peu toute la procédure qui était expliquée pour comment s'inscrire. Il y a aussi différents projets. Enfin, sur le site, c'était listé. Il n'y avait pas que Modus Fiesta, il y avait aussi d'autres plateformes. Et il y avait une des conditions, je me souviens, c'était dit en d'autres termes, mais c'était qu'il fallait être consommateur ou avoir été consommateur. Et du coup, maintenant, ça me paraît tout à fait logique, maintenant que je fais partie du projet, parce que d'office, pour parler de ça, il faut savoir ce que c'est. Et c'est beaucoup... Enfin, c'est normal, quoi. C'est par les consommateurs pour les consommateurs, comme par les jeunes pour les jeunes, etc. Mais sur le coup, ça me paraissait fou que ce soit tant assumé, accepté, et ça m'a attirée. Et voilà, je suis venue et je suis restée. Moi, en fait, ça fait très peu de temps que je connais Modus, enfin que je fréquente Modus. Mais par contre, quand j'étais plus jeune, je travaillais chez Synapse, donc qui est aussi, qui est la même chose que Modus, mais du côté de Mons-Borinage. Et moi, je connais Modus parce que mon meilleur ami est chimiste ici, Pika. Et ça fait pas longtemps que je viens ici, ça fait à peu près un an, quelque chose comme ça. Ouais. Si vous voulez rajouter. Ouais, je veux bien. Donc moi, en fait, j'ai rencontré Modus quand j'ai commencé à sortir en soirée. Il va bien? Ouais. Nickel, il va bien, il se porte bien. Et donc, j'ai mis à peu près 2 ou 3 ans à vraiment m'intéresser à Modus Fiesta. J'ai décidé de devenir jobiste. Donc là, ça fait je sais pas combien de temps que j'y suis, mais ça fait un petit temps quand même. Et j'y suis toujours. Voilà. Et ça veut dire quoi, jobiste ? Ouh, quelle question. Je vais laisser répondre Ilia. Pourquoi ? Oui, je triche. Je peux tricher. Donc Ilia, c'est un peu le gars qui bosse ici, quoi. Un peu, beaucoup. C'est le gars qui bosse ici. Alors moi, je suis employé par Modus. Donc j'ai un contrat de travail, alors que les jobistes sont bénévoles pour Modus, et ils travaillent avec nous aussi, donc ils viennent avec nous en soirée, ils tiennent la permanence avec nous. Quand on fait des brochures, on les consulte à tous les niveaux, donc pour le contenu de la brochure, pour la gueule de la brochure, les retours avec la graphiste. Et donc en fait, c'est un travail qui est complémentaire à celui du travailleur social, parce que le principe, c'est que les jobistes ont un savoir empirique, d'avoir consommer, d'avoir pris des trucs que le travailleur n'a pas ou a peut-être eu, mais en tout cas, c'est pas ce savoir-là qui est mis sur son CV quand il se fait engager. Et donc, c'est vraiment la complémentarité de ces deux savoirs qui permet d'avoir une information objective par rapport à toutes les drogues. Je rêve ou t'as levé la main ? Non. J'ai rêvé ? Ouais. Je déteste. Ouais, bon. On pourrait rentrer dans le vif du sujet. Et donc, qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce qui vous a attiré ici ? Parce que si je comprends bien, moi qui suis extérieure, c'est un endroit où vous pouvez consommer. Tranquillou. Mais justement, pour parler de réduction des risques, moi, comment j'ai découvert Modus, c'est à l'époque où je commençais à sortir, à me droguer. Je me rendais compte que quand on est jeune, adolescent, on est très fort dans un délire, on essaye de faire des nouvelles expériences, essayer de nouveaux trucs, partir dans la fête, et parfois on peut se mettre un peu en danger. Et ce que j'aimais bien quand j'arrivais à certaines teufs, c'est que je voyais un stand Modus avec des gens qui étaient là un peu clean et qui aimaient discuter, qui donnaient des informations sur les drogues, des petits carnets pour savoir c'est quoi de l'ecstasy, c'est quoi de l'MDMA, de la coke, ou ce genre de choses. Et quand on a 16-17 ans, c'est intéressant de pouvoir en fait découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière d'un autre point de vue, que allez, je suis jeune, j'ai envie de faire la fête. Et moi, c'est ça que j'ai aimé chez Modus, en fait, cet esprit un peu, voilà, j'ai un comportement qui n'est pas accepté par la société, qui est mal vu, que je n'ose pas exprimer à mes parents, à ma famille, etc. Mais dans lequel, j'ai quand même envie de discuter avec des gens qui ont d'expérience, qui connaissent des choses, qui peuvent me prévenir. Et moi, c'est ça qui m'a plu à Modus, et je crois que c'est un peu ça. Hein. L'idée de Modus, c'est de dire, on va accompagner les jeunes ou les consommateurs de drogue vers... avec un autre point de vue, en fait, qu'on peut développer sur la drogue, que juste me def, c'est mal vu, c'est mon problème, c'est shaitan, etc. Et donc moi, c'est ça que j'ai vraiment apprécié chez Modus. Mais après, je crois qu'il y a encore d'autres gens qui vont pouvoir... Oui, sûrement, mais je veux dire, c'est quoi exactement, du coup, alors quoi, on parle de drogue avec Modus, on essaye les drogues, on les goûte, c'est quoi, en fait ? Parce que d'un côté, si je comprends bien, on est dans un monde qui dit que c'est pas bien les drogues, hein, après, on peut poser vraiment toute la question de dire les drogues, en même temps, on est addict à son téléphone, en même temps, on vous rend addict pour plein d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça pose plein de questions, c'est pas la même chose, mais en même temps, quand la société dit que c'est pas bien les drogues, elle permet d'un autre côté d'être accro à plein d'autres choses, vous voyez, à consommer d'autres choses, quoi. Je sais pas ce que... Allez-y. S'il faut, je dirais que, le téléphone c'est une drogue, le chocolat c'est une drogue, etc. Mais tout ce qu'on va qualifier de drogue chimique, drogue de synthèse, ou en tout cas toutes les substances qui sont considérées par la médecine comme de la drogue. Chez Modus, on n'est pas là pour se défoncer ensemble, mais peut-être qu'on va pouvoir aborder les choses d'un point de vue plus scientifique, analyser la toxicologie des différents produits, quels sont les effets vraiment sur le corps en termes physiques et physiologiques. Et sur l'esprit. Et sur l'esprit aussi. Donc on l'oublie, celui-là. C'est ça. Mais donc, il y a plein de choses dont on peut discuter avec des gens qui étudient le sujet, qui s'intéressent, c'est quoi la drogue dans la société, quel est l'impact chez les gens, quel est l'impact du fait d'interdire ces différentes substances et qu'il y ait quand même des consommateurs qui doivent se cacher, etc. Donc, je crois qu'on n'est pas là pour se droguer. Enfin, en tout cas, moi, je ne me suis jamais drogué chez Modus. Mais c'est juste essayer d'aborder les choses d'un point de vue un peu construit, avec des gens qui sont payés pour s'informer, pour conseiller les gens, accompagner, donc faire les choses de manière structurée. Moi, j'essaye de comprendre J'essaie de comprendre qu'est-ce que tu y trouves. Ok, je comprends que tu dises que c'est un peu plus... On t'explique un peu le contenu des produits, ok, mais et puis quoi ? Ça te rassure ? Ça te fait du bien ? Ben, c'est un peu comme une deuxième famille, des gens avec qui ont grandi et qui ont vu des expériences. Juste, il y a des moments où on discute dans d'autres contextes, on voit les choses différemment. Je crois que ça, c'est aussi un petit peu peut-être l'envie d'essayer de faire des choses bien. Je crois qu'on a tous eu ici des différents problèmes avec des addictions ou des devs qui se passent dans des mauvaises circonstances. Et ça peut arriver. Et parfois, moi, ça m'est déjà arrivé en soirée. Voilà, j'étais pas bien et il y avait Modus qui était pas loin. Je savais que je pouvais aller discuter, dire voilà, je suis pas à mon aise et je suis face à des gens qui sont prêts à être réceptifs face à ça. Comme il y a l'association des alcooliques anonymes où voilà, des gens ont des problèmes, sont dans le besoin. Ils peuvent aller vers quelqu'un qui pourra les aider ou les accompagner. Enfin, moi, c'est ça en tout cas que j'apprécie chez Modus, mais sûrement quelqu'un d'autre. Mais les alcooliques anonymes, ils sont là pour, parce qu'ils sont mal, parce qu'ils, et le groupe qui travaille dans les alcooliques anonymes essaye d'aider les gens à arrêter d'être alcoolique parce que ça pose un problème. David ou moi ? Ouais, du coup, ce que j'en ai pour deux secondes, le tout de la réduction des risques, c'est la base du travail, c'est de donner des informations pour que les gens se droguent ou consomment correctement. L'idée, c'est pas de dire arrête, comme chez les alcooliques anonymes, on va te le dire, tu vois, enfin, t'as un problème, t'as une addiction, maintenant il faut que tu stoppes, on va t'aider, c'est de la péridance, on est tous ensemble, voilà, solidaires, frères d'armes, on y va. On est d'accord, c'est quand même différent que les alcooliques anonymes, quoi. Tu vois, on essaye déjà de comprendre cette différence. Je pense qu'il y a vraiment c'est une opposition même au niveau du parcours. Les gens qui vont aux alcooliques anonymes, ils ont une idée d'arrêter et de plus jamais consommer, tandis que la réduction des risques, c'est plutôt consommer, mais consommer bien, et accompagner la personne, peut-être dans son addiction si elle en a une, ou accompagner la personne si elle n'a pas d'addiction, quoi. Une personne qui a envie de faire la fête un soir, faire ses expériences, prendre de la coke, allez, vas-y, amuse-toi, mais putain, fais pas de la merde, quoi. Réfléchis à tes actes, et voilà, et c'est ça qu'on fait entre nous aussi. On est consommateurs, on sait ce qui s'est passé, on a tous eu des potes qui ont été mal, on a déjà été mal. Et l'idée, c'est de partager aussi nos expériences. Il y a des travailleurs sociaux, il y a des relais aussi, si ça ne se passe pas bien. Enfin, on sait qu'on peut parler à des personnes qui vont nous aider, quoi. Et c'est ça qui se passe ici, et ça, c'est vraiment cool. Mais comme tu le dis, quoi. Enfin, bref. Non, mais on a le temps de développer, hein. Déjà, la grosse différence avec les alcooliques anonymes, avec l'alcool, en fait, en général, c'est que l'alcool, déjà, est une drogue, elle aussi. L'alcool est une drogue. Quoi qu'on en dise, parce que l'alcool apporte déjà des dépendances physiques qui sont très graves. Une dépendance physique, quelle est la différence ? C'est une fois qu'on est dépendant physique, quand on décide d'arrêter d'un coup, cette dépendance physique entraîne des séquelles physiques. Moi, j'ai été dépendant physique à l'héroïne. Je sais très bien ce que c'est d'arrêter et d'avoir des problèmes physiques, des problèmes... Donc des problèmes intestinaux, des problèmes de fièvre, des problèmes, des maux de tête, des migraines, qu'elles soient ophtalmiques et tout, dû juste à l'absence de se droguer. Et l'alcool, ça apporte ça, l'alcool. L'alcool, ça peut apporter un delirium tremens. L'alcool peut tuer juste parce qu'on arrête l'alcool tout d'un coup, parce qu'on est addict à l'alcool. Et les alcooliques anonymes sont là pour t'aider à arrêter. Mais tu n'arrêtes pas d'un coup l'alcool, ils sont là pour t'apporter une aide dans ton arrêt. Et ils ne vont pas te dire arrête d'un coup l'alcool parce qu'ils savent très bien que si tu arrêtes l'alcool d'un coup, tu vas mourir. Ça, c'est une chose. Alors que les drogues, la plupart des drogues, à part l'héroïne, la cocaïne qui, elle, apporte vraiment des manques physiques, la plupart des drogues n'apportent pas de manque physique en fait. C'est surtout des manques psychologiques dû à la fête, dû à l'envie de s'amuser et tout ça. Mais ça n'apporte pas, la plupart des drogues n'apportent pas de manque physique. Donc, moi, j'ai toujours eu... au début, ça a toujours été, comme partout en Belgique, très tabou dans ma famille et tout ça, de prendre de la drogue. Mais je me suis rendu compte par moi-même qu'en fait, l'alcool est beaucoup plus problématique que la drogue. Moi, l'alcool, ça m'a fait... Parce que oui, en plus de mon addiction à l'héroïne, j'ai eu des addictions à l'alcool. Et l'alcool m'a fait complètement disparate de ma famille, de mes amis, parce que j'avais des problèmes... de comportements complètement abusés à cause de l'alcool, parce que le moindre petit verre en trop me faisait péter un câble, chose que je n'ai jamais eue avec mes prises de drogue. Jamais j'ai été violent, ou jamais j'ai perdu ma conscience ou ma propre volonté due à la drogue. Non, ça a toujours été l'alcool. L'alcool, ça m'a fait ça, mais pas la drogue. Et en fait, le problème, c'est que prendre de la drogue, malgré le fait que ce n'est pas des conséquences aussi graves que l'alcool, ben, tu t'enfermes en fait dans une psychose qui est de c'est pas bien parce que c'est rejeté par la société, et donc tu as peur d'être rejeté par la société et par ta famille et tes amis. Alors que si tu prends de l'alcool, c'est beaucoup plus problématique, mais ta famille va moins te rejeter que si tu prends de la drogue. Chose qui est complètement paradoxale en fait. Le gros dilemme. Exactement, exactement. Et en fait, chez Modus, ben, tu retrouves quelque chose à te rattacher. Tu rencontres des gens qui prennent de la drogue aussi. Tu vois, tu rencontres en fait des gens qui peuvent t'écouter et qui peuvent t'aider. Tu n'es pas ici pour prendre, clairement, ce n'est pas du tout ça le but, c'est justement juste de comprendre qu'en fait, il y a des gens comme toi qui prennent de la drogue et qui n'ont pas peur d'en parler avec toi, et donc tu te sens un peu moins seul, et voilà, déjà ça, c'est déjà pas mal. Mais quand tu parles de drogue, là, précisément, tu parles de quelle drogue ? Ouais, quand je parle de drogue, donc drogue qui n'atteint pas, enfin qui ne donne pas d'action physique directe, je parle surtout... d'amphétamines ou bien de psychotropes tels que le LSD ou toutes sortes d'hallucinogènes, genre tout ce qui est drogue de synthèse, 2CB, 2CA, et voilà, toutes ces drogues-là, en fait, très méconnues, en fait, au final, parce qu'au final, tu sors en soirée, parfois on te propose des trucs, tu sais pas, donc tu prends et hop, c'est un hallucinogène ou hop, c'est un amphétaminique et tu te rends pas compte parce que tu connais pas. Moi, ça fait très longtemps que je consomme, donc je connais maintenant tout ça, mais c'est vrai que ça m'aurait... D'ailleurs, c'est Synapse qui m'a beaucoup aidé à me rendre compte de ça. Synapse qui est... Donc, c'est comme Modus, mais à mon... C'est eux qui m'ont fait me rendre compte du fait que ben, en fait, on n'est pas tout seul et que c'est pas si mauvais que ça. Enfin, c'est pas... Non, je dis pas que c'est pas si mauvais que ça, mais en tout cas, c'est moins diabolisé que ce qu'on pourrait croire, en fait, quand on se sent seul, en fait, là-dedans. Quoi. Ouais, je commence tout doucement à y voir un peu plus clair, hein. Mais... Ouais. Mais justement, du coup, par rapport à tous les tabous sociaux qu'il peut avoir et surtout toutes les lois, parce que c'est encore super pénalisé la consommation de drogue actuellement en Belgique en tout cas. Mais c'est justement ça qui peut entraîner et entraîne souvent des conduites à risque. Parce qu'on peut facilement se mettre en danger, parce qu'on se doute que, par exemple, on est mal ou un de nos amis est mal, bah non, on ne peut pas aller demander de l'aide parce qu'on risque d'avoir un problème avec la police ou avec les parents de un tel et tout. Et du coup, Modus offre aussi ça, un environnement donc de partage, d'aide, de questions pour passer au-delà de ces conduites à risque et secrètes, qui sont pas positifs de toujours se cacher pour consommer, se cacher des parents, se cacher de la police, se cacher des vigiles en soirée. Voilà, ça peut... c'est pas non plus positif de diaboliser ça tout le temps. Mais du coup, à première vue, on peut penser parfois que c'est une banalisation, mais parfois, mettre tout sur un même pied d'égalité et aborder la drogue par un autre prisme que juste le prisme de la loi, parce que c'est légal, forcément, c'est dangereux, au contraire de l'alcool, qui doit être pris pour moi sur le même pied d'égalité que les drogues dures de type, enfin, qui sont considérées comme dures de type, toutes celles qu'on a citées. Pour moi, ça doit être considéré sur un même pied d'égalité que l'alcool, et il ne doit pas avoir un favoritisme pour l'une ou pour l'autre. Voilà. Et quoi ? Et alors, on continue la pensée, hein, parce qu'elle avance, ou sinon on va tourner en rond et répéter un peu la même chose. Mais quoi ? Alors, vous, dans un monde idéal, vous verriez ça comment ? Quoi ? On peut acheter les produits avec les notices. Comment ? Dans un monde idéal, la drogue, ça se consomme comme on va au magasin chercher de la bouffe. Je pense que ça serait un petit peu comme l'alcool. Il faudrait un certain âge pour en acheter. Et d'un côté, ce serait vraiment beaucoup plus contrôlé. Et ça éviterait d'acheter des merdes, quoi. Personnellement, enfin, quand t'achètes du speed coupé, genre à la Morora ou des conneries du genre, c'est vachement trash. Ou alors que t'achètes du LSD et que tu dis 25e baume. Voilà, les gens qui connaissent pas ça, ils peuvent partir loin. Ça t'est déjà arrivé ou t'as déjà entendu quelqu'un couper avec de la Morora ? Morora, moi, personnellement, non. Mais ça a tourné, je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas. Il y a beaucoup de légendes urbaines aussi. Hein. Genre, en fait, le truc, c'était qu'on parlait de la strychnine qui est une substance présente dans la Morora, et soi-disant, c'est avec ça qu'on fixait le LSD, alors que le LSD n'a pas besoin de fixatif pour être dans un... C'est tellement mieux, la strychnine. Non, mais voilà. En tout cas, au testing, on a peu de morora. Les produits de coupe habituels sont la caféine, la lidocaïne, parce que c'est légal et ça, c'est ce qu'on met dans les strepsils quand t'as mal à la gorge. Tu vois, t'as plus mal à la gorge. C'est donc t'as le même effet un peu anesthésiant. Ouais. Et donc caféine qui est vraiment un classique. Le levamisole qui est un vermifuge. Donc c'est plutôt ce genre de truc là qu'on va retrouver. Qui sont pas des produits de voilà, pas très bons, mais en même temps, le levamisole ça te donne juste une grosse chiasse quoi. C'est sympathique. Et quoi, et la question que j'ai envie de poser, c'est quoi? Quand vous prenez, toi tu dis rien, toi non plus, hein. Bah il y a pas de souci, hein, on s'en fout, hein. Il y a pas de problème. Mais c'est toujours intéressant d'entendre un peu tout le monde. Mais qu'est-ce que ça vous fait quand vous prenez, enfin pourquoi vous prenez des produits quoi? Ça coûte de la thune au fond. Ce serait chouette de. Un alcool aussi. Moins cher que oui, mais. Ça coûte moins cher que l'alcool. Et moi en fait, ce que j'ai trouvé surtout dans les amphétaminiques. Moi, en fait, je suis hyperactif, mais genre fort hyperactif. Et ça, je l'ai su bien après avoir mes premières consos. C'est que ben, moi, les amphétamines, ça me calme et ça m'aide à me concentrer, mais genre de malade. Et c'est ça, en fait, qui a fait qu'au début, j'ai commencé à consommer vraiment beaucoup d'amphétamines. Au début, donc je parle de ça il y a plus de 15 ans. Quoi. Et c'est que... Ben, la rélatine, c'est le produit qu'on donne aux hyperactifs pour justement les aider à se concentrer. Et moi, déjà, je n'étais pas au courant de mon hyperactivité. Ma mère me l'a caché. J'avais été diagnostiqué et ma mère m'a totalement passé ça. Ouais, elle a fait genre non, t'inquiète, t'es normal. Mais le truc, c'est que de ne pas le savoir, bah, ça a fait que mon parcours a été complètement chaotique parce que je me trouvais pas normal. Et en fait, bah, dans les amphétamines, bah, je me disais, mais en fait, ça va, je suis hyper intelligent, en fait, les gens, ils m'écoutent et tout, ils me disent, David, t'es cohérent, juste que d'habitude, les gens, ils me laissent parler, ils me disent, ouais, c'est bon, laissez-le de côté. Et... Ouais, tu t'es occupé à expliquer qu'en prenant des amphètes, tu te sens mieux, quoi, en fait. Bah, le truc, c'est que ça calmait mon hyperactivité, donc du coup, j'étais beaucoup plus cohérent, j'étais beaucoup plus concentré. Quand je m'attelais à une tâche sous amphétamine, ben, j'arrivais à aller jusqu'au bout de ma tâche. Chose qui est normale pour un hyperactif qui prend des amphétamines, mais moi, j'étais pas au courant de ça. Et ouais, voilà, ça c'est ce qui a fait que je suis resté là-dedans. Et en fait, maintenant, si je continue à prendre, c'est parce que bah, déjà, je me rends compte que quand j'avais mon problème d'alcool, j'avais de gros problèmes de foie. Et que depuis que j'ai arrêté l'alcool et que je prends juste de la drogue de temps en temps, une fois par semaine, deux fois par semaine, parfois trois fois par semaine, j'ai plus aucune carence, j'ai plus aucun problème physiologique. Non, mais c'est vrai. Peut-être rebondir un petit peu là-dessus. Attends, approche-toi seulement. D'abord, on prend de la drogue pour se défoncer. D'abord, c'est le but principal, c'est la base, c'est comme quand... Mais ça veut dire quoi, défoncer? Ça veut dire, c'est pour ceux qui n'ont jamais pris de drogue, l'alcool à très forte dose est euphorisant, c'est une source d'évasion. Ça, c'est la base. Mais après, quand on discute, comme dans des endroits comme ceci, on se rend compte qu'en discutant, en échangeant des expériences, on se rend compte que derrière, comme disait Mister à l'instant, c'est qu'il y a une part, alors, elle est plus ou moins grande, suivant les personnalités, les personnes, il y a une part, c'est vrai, d'automédication. Il y a une part de cela. Alors, ce n'est pas une justification. Je ne dis pas qu'on va chez le pharmacien bis, mais il y a une part de cela quand même. On remarque qu'il y a des gens qui prennent du cannabis parce que ceci, il y a des gens qui prennent de la cocaïne parce que cela, il y a des gens qui prennent d'autres produits. Il y a une certaine part d'automédication. Mais le but premier, c'est bien, comme quand on se met une bonne murge à l'alcool, c'est un désir d'évasion, un désir d'euphorie, c'est un désir de... de se foutre sur la gueule un petit peu quand même. De quitter ce monde de merde. Alors, c'est chacun son voix à midi à sa porte. Mais grosso modo, on prend ça pour s'évader. Alors, des fois, c'est pour s'évader du monde, des fois, c'est pour s'évader de personnes, des fois, c'est pour s'évader d'une position, d'un métier, d'une occupation, d'un manque de réussite ou de réussite. Après, on y met chacun, suivant sa personnalité, son parcours, on y met chacun des choses différentes. Et suivant les consommations aussi. Parce qu'à chaque prise, son trip. Voilà. Enfin, comme à chaque consommateur, sa consommation. À l'époque, au début de ma consommation, j'avais un peu cette métaphore du distributeur, que dans un distributeur, tu mets une pièce, tu choisis le numéro, tu sais exactement ce qui va tomber. C'est pas du tout ça avec la drogue. Tu peux découvrir l'ecstasy parce que tu le prends une fois, voilà, tu découvres ça, c'est génial, tu passes une trop bonne soirée avec tes amis, ou tout seul. Tu ressens vraiment tous les effets, tout est génial. Et tu peux le refaire une autre fois parce que justement, tu as envie de reproduire cet effet que tu as ressenti une fois, de toi en adéquation avec le monde, totalement d'accord avec toi-même, avec ton corps, avec ta vie, avec ta famille, avec ton passé. Et ça va pas du tout bien se passer, au contraire. Et tu peux avoir ce qu'on appelle des mauvais trips. C'est pas du tout systématique. Ça va pas systématiquement se passer de la même façon à chaque fois. Et c'est là qu'il y a un peu tout le côté... positif ou négatif, ça, c'est comme on veut. De la drogue et l'alcool, c'est comme ça aussi. Enfin, la vie en général, en fait. Et au final, la drogue, ça prend quoi, un centimètre, un millimètre en taille. Et on l'ingère, mais tout ce qui reste, c'est nous, tout le temps. Et c'est nous qui formons la défense avec notre cerveau, avec notre corps et tout. Et faut pas juste réduire ça à de la poudre ou quoi. Et pour l'alcool, c'est pareil. C'est là que tout est le côté humain et social qui est ultra nécessaire. Et donc, c'est pour ça que c'est génial que des associations comme ça existent et qu'on puisse en parler. On a compris que la sauce était... Parce que chaque fois, au début, on n'arrêtait pas. Non, mais c'est un... Ouais, tu voulais dire ? Mais je voulais dire que ce qu'on découvre aussi avec certains produits, c'est des choses que tu ne peux pas expérimenter avec de l'alcool. Enfin, tu vois, il y a la MDMA va te donner des effets où t'es super, t'as des grosses vagues de plaisir que tu pourrais difficilement ressentir autrement. Le LSD, ça te fait douter de la réalité au sens propre du terme, le truc où tu vois, t'as des gens qui font oui, est-ce que le monde existe réellement, est-ce que ce sont que des atomes qui... Sous LSD, tu vois les atomes qui bougent et tu fais ah oui, en fait, c'est ça la vraie. Et donc, ça te donne des choses que. Des nouvelles perceptions, et c'est quand même très enrichissant personnellement. Et que tu prennes une fois pour avoir l'expérience ou que tu prennes régulièrement, ça, c'est. Chacun va gérer ces trucs différemment et avoir des expériences particulières pour chacun, mais. Les produits te donnent quand même des connaissances sur toi-même et sur la réalité qui sont que tu ne peux pas avoir ailleurs. Mais ça donne envie, hein. Moi, ça me donne envie, quoi. Bon. Bah ouais. Oh, t'es la bienvenue. Oh, merci. On peut continuer un peu pourquoi des produits, pourquoi la drogue, qu'est-ce que ça te fait? Ah, il faut l'essayer pour savoir ce que ça te fait. Tout usager. Non, mais pour toi, qu'est-ce que ça me fait, parce que ça coûte de l'argent en même temps. Vous comprenez, genre, j'ai pas cette dépense-là, je m'envoie en l'air sans rien. Comment tu t'envoies en l'air? Moi, personnellement, là, je vais te dire, j'ai pas les sous pour aller en vacances. Là, je vais mettre certains trucs dans le pif, je vais partir en vacances, à moindre coût, certes, mais je vais partir loin. C'est un moment d'évasion. C'est pas mal, quoi. Alors, oui, j'aimerais bien prendre de la drogue en vacances, mais ça, c'est pas pour tout de suite. C'est vraiment un moment d'évasion. Enfin, ça dépend ce que tu prends aussi, tu vois. Tu vas prendre du speed, tu vas pas aller très loin. Enfin, ça, tu peux aller super loin, mais tu vas rester à Bruxelles, quoi. Mais quand tu parles de speed, c'est de l'héro? Non, du speed, c'est de la cocaïne. C'est des amphétamines. Vraiment, ça, c'est un stimulant. Voilà, mais par exemple, tu vas prendre du LSD. Là, tu vas pouvoir partir sur Namek, quoi. Sur Namek. C'est une planète. Il faut que tu regardes Dragon Ball. Ok. Une planète envahie par les Saiyans il y a bien longtemps. Au final, moi, le LSD, LSD, par exemple, de quoi je disais, par exemple, j'adore les stimulants. Donc, oh, ça va? Ça va, et toi? On l'a pas vu, mais j'ai failli me planter. Hein, alors. Du coup, je disais, pour certains, de nouveau, c'est cette ambivalence entre les personnes, leurs ressentis, leur univers. Moi, par exemple, les hallucinogènes, c'est pas du tout mon truc, quoi. LSD, c'est cool pour aller sur Namek pour Chris, mais pour moi, bah, pas trop, quoi. C'est plutôt le bad. Je suis en mal pendant 5 jours et je suis pas bien, quoi. Mais par contre, un peu de coke, voilà, c'est cool, quoi. Mais donc, c'est, de nouveau, cette ambivalence en fonction des personnes, en fonction des ambiances, quoi. Je crois que c'est ça qui est un peu cool avec le, une fois qu'on découvre un peu le milieu de la drogue, si je peux dire, c'est que quand on va en soirée et qu'on est face un peu au stress social, au fait de devoir rencontrer des gens, on n'est pas toujours à l'aise et qu'on veut se désinhiber, mais, je veux dire, dans le monde normal, entre grosses guillemets, on a le choix que de l'alcool de manière générale. Et le fait d'arriver dans des endroits où, en fait, il y a des gens qui prennent de tout, il y a des gens qui ont eu d'expérience avec tout, et tout le monde sait, enfin, un certain recul par rapport à la consommation. Personne va venir te dire, ouais, vas-y, bois, ça va te détendre, machin, etc. Les gens sont là en mode, tiens, qu'est-ce que t'aimes faire? Si t'as envie de prendre de la coke pour te détendre et pas boire, alors ne bois pas, prends de la coke, tu seras à ton aise. Et donc ça permet à tout à chacun, en fonction de toute sa psyché et de son fonctionnement interne, de trouver en fait ce qui lui plaît en soirée et de ce qui lui plaît pas. Parce que moi, ça m'est déjà souvent arrivé d'aller à des soirées étudiantes, style les trucs de l'ULB, etc., où tu vois des jeunes complètement bourrés, etc., qui n'assument pas du tout l'alcool, qui découvrent ça, mais dans un environnement où on est là, allez, il faut se désinhiber, il faut se laisser aller, il faut découvrir la vie, donc picole, parce qu'il n'y a que ça. Il y a un manque de bienveillance. Et il y a aussi un manque de bienveillance. Et c'est vrai que dans le milieu festif, où les gens consomment différentes substances, je trouve qu'il y a beaucoup plus cette ouverture et cette acceptation qu'il y a des gens qui se droguent, qui ne se droguent pas, il y en a qui prennent ça, il y en a d'autres qui prennent pas ça. Et ça, je crois que c'est un des avantages du pourquoi. Enfin, c'est un des avantages du fait de prendre différentes drogues, de connaître en tout cas le milieu et d'être un peu ouvert et d'avoir un certain recul par rapport à tout ça. Comme tous les autres disaient tout à l'heure, c'est vrai que l'alcool, quand on voit ça d'un point de vue vraiment toxicologique, c'est une des pires drogues au monde. C'est une des rares drogues où on peut mourir de sevrage et ce genre de choses. Et c'est vrai qu'en fait, remettre l'alcool à sa place en tant que substance avec toutes ces attributs d'un point de vue vraiment chimique, ben ça permet d'être plus à l'aise en fait quand on est en soirée, d'avoir moins cette pression sociale du fait qu'il faut que je boive ou j'ai pas envie de boire, mais ça va m'aider à m'être bien. Voilà. Il y a 33 minutes déjà, hein, 34, ça va vite. Moi j'ai envie de dire, mais vous parlez d'une drogue récréative en fait. Voilà, je sors, j'ai envie un peu de m'envoyer en l'air, je prends telle drogue, je vais voir Modus et ils me disent, tiens, voilà, ok, mais comment ça se fait qu'on a cette image alors, ou comment casser cette image quand on parle de drogue où c'est plutôt pathétique, quoi, c'est triste, il y a une dépendance, on n'est pas bien, on est triste, vous voyez. Mais dans les rues, ceux qu'on remarque le plus, c'est ceux qui ont trop pris et qui, justement, donnent cette mauvaise image. Les gens qui ont pris des choses et qui gèrent leur trip, on ne les remarque pas parce qu'ils ont juste l'air joyeux ou ils sont un peu, on dirait qu'ils sont bourrés pour certains. Ça dépend vraiment de chacun. Mais je pense que, si, aussi avec les médias, la télé, tous les films, on voit toujours le gars qui est piqué dans un coin, qui est là, qui ne mange plus et tout. Mais il n'y a pas que ça. Ça arrive, mais il n'y a vraiment pas que ça. Et de mon point de vue, j'ai vu plus de gens qui savaient gérer et qui se disaient bah, « Là, j'ai assez. Je ne vais pas prendre plus » que de gens qui sont là à continuer jusqu'à la mort, presque. Après, ça arrive qu'il y ait des gens qui, même avec une prise, bah, partent ou dans un mauvais trip et ils risquent d'aller, ou bah, ils ont pris de trop et font une OD, mais ça... Oui, c'est très rare, parce que mais aussi, mais comme disait Henri, ici, enfin, dans ce milieu, il y a des gens qui surveillent, puis quand t'es jeune, quand tu prends au début, il y a des gens qui vont te faire... Non. Dans ce milieu, il y a des gens qui surveillent là, je décroche, tu parles. Dans le milieu où les gens prennent les drogues, il y a souvent d'autres personnes qui ont justement pris depuis plus longtemps, qui ont fait des mauvaises expériences, qui vont te dire non, ça c'est trop pour toi, tu viens de commencer, commence pas avec ça. Oui, c'est ça. Tu dis ? Bah, c'est un milieu beaucoup plus bienveillant que les milieux étudiants. Voilà, on a une entraide qui est plus forte parce que effectivement, il y a cet effet de il y a des personnes qui sont depuis plus longtemps dedans, il y a des personnes qui ont plus d'expérience. Et donc, effectivement, quand on voit, à partir du moment où on connaît un peu les signes des personnes qui vont un peu mal, enfin, pour moi, ça fait quand même quelques temps que je consomme, bah oui, je peux pas m'empêcher d'aller vers cette personne, quoi, parce que je sais que ça peut faire du mal, je sais que c'est dangereux. Et il y a cette bienveillance qui est véhiculée, et on le sait, et on le partage, quoi. Enfin, il y a un effet de groupe, je pense, assez fort à ce niveau-là, quoi. Oui, tout à l'heure, tu disais, on a une image un peu pathétique, crade. Non, j'ai pas dit le mot crade. Hein. Je l'ai rajouté, je me suis dit, ça ferait pas. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Mais c'est vrai que je t'ai mis dans ta bouche et j'aurais pas dû. Oui, en fait, oui, ça fait partie aussi de la prise de certaines substances. Il y a, on parlait de voyage tout à l'heure, il y a l'aller qui fait partie des moments euphorisants. Hein. Alors, on va vers une destination, on sait pas encore quoi, mais on y va. Et puis, il y a le voyage retour. Évidemment, celui-là, on en parle un petit peu moins là ce soir, mais il existe. Il existe. Donc, et celui-là, il est plus dark. Il est moins glamour. Il est moins paillette. Il est moins. Et celui-là, il fait partie du voyage. Et le truc, c'est que de diaboliser une substance ou de la. Ou au contraire de la porter au nu, c'est que ce n'est pas la vérité. Mais la vérité, c'est qu'il y a un aller et il y a un retour qui est moins glamour. Et donc, ça fait partie du voyage. Et ça, il faut le savoir. Et c'est ça aussi de discuter, de donner des informations et de connaître ce qu'on va prendre, de pouvoir identifier. Donc, dans un monde idéal, ce serait pas de légiférer, ce serait pas d'autoriser ou de vendre ou de distribuer ou d'interdire. Ce serait plutôt d'être transparent, de pouvoir connaître, de savoir et de pouvoir gérer en fonction. Alors, de connaître les substances ne suffit pas. Il faut aussi se connaître soi-même, parce que tout le monde est différent, on en a parlé tout à l'heure. Les personnes ne vont pas gérer de la même manière, ou l'aller ne va pas les amener à la même destination. Même chose pour le voyage retour. Donc ça c'est aussi à savoir et à dire. C'est super important, tout ce que tu viens de dire, parce que c'est le cœur du sujet. Hein, dans un monde idéal, comment on fait avec cette drogue, mais moi, si je comprends bien, vous êtes ici tous très jeunes en même temps. Hein? Donc, je vois ça, je vous vois plus comme genre, on prend de la drogue, on va à une fête, on s'amuse, je ne sais pas combien de fois par semaine, vous voyez. Et puis, il y a aussi le fait, il y a l'héroïne, vous avez un peu pas mal dit, mais pas l'héroïne, je ne touche pas à l'héroïne comme si, ou bien je me trompe. Oui, sur la... Ouais. Mais j'entends aussi que ce n'est vraiment pas le truc... C'est pas le plus glamour. Ouais, effectivement, c'est pas le plus glamour. Mais pourquoi ? Mais parce que les échanges d'expériences font que on va te dire, écoute, fais attention à cette substance. Voilà. Ah ouais, fais attention à cette substance. Et le problème maintenant avec la communication qui est un peu mainstream, c'est qu'on va mettre toutes les drogues dans le même sac. Et évidemment, ça va poser problème, puisque si maintenant on expérimente, parce qu'un jeune va expérimenter, il va essayer, il va toucher, il va goûter à une certaine substance, et puis il va remarquer que c'est un petit peu plus glamour que ce qu'on m'avait dit. Je ne vais pas finir dans le caniveau, j'ai passé une super bonne soirée, je me suis bien amusé, c'est quand même très très loin de l'héros. Et les mettre toutes dans le même sac, ça va avoir cet effet pernicieux, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va alors se permettre plein de choses et on va se dire, écoute, on va tout tester. Ou alors, on va tout nier en bloc et on va se mettre à d'autres substances. Parce que chacun, en fait... Et ça, c'est l'échange, je crois, d'expérience. Et chacun a un petit peu sa substance, que ce soit la clope, le café. Alors évidemment, il y a des problèmes différents à chaque fois. Mais on a tous des substances, finalement. Ouais. Moi, pour que vous compreniez bien, pour que ce n'est pas la même démarche, moi, j'ai une sœur qui est dans la drogue dure depuis plein d'années. Et c'est triste. Vous voyez, on n'a plus rien à se dire, elle a plus que ça en tête, c'est sa vie, quoi, vous voyez. Et en plus, elle n'a pas beaucoup de thunes, vous voyez, le truc un peu délicat, quoi. Et elle a 47 ans. On connaît tous l'oncle Gérard qui finit dans le caniveau à chaque fois avec l'alcool. C'est aussi un problème aussi de personnalité ou un problème de substance. C'est une conjonction de tellement de choses. Ça ne peut pas être juste simplifié à elle a touché à la drogue dure. On peut avoir, je sais pas moi, 100 personnes qui auront touché à la drogue dure. Il y aura une partie qui va s'en sortir. Il y a une partie qui va à peine goûter. Et l'autre qui va tomber dedans comme Obélix au fond de la marmite en pensant que c'est une potion magique. Effectivement... Ce que je comprends, c'est que la drogue, ça se décline, quoi. On parle de quelle drogue, comment, pourquoi. Et ça, c'est intéressant. Et pas seulement décliner les substances, mais décliner les personnalités et les consommateurs. Donc, c'est une sorte... C'est pour cela que je parlais de conjonction. Ça va être plein de choses qui vont se mettre ensemble, qui sont assez complexes et qui ne peuvent pas se résumer à une définition simpliste du type la drogue, c'est mal, la drogue, c'est bien, l'alcool, c'est mal, ou que sais-je. C'est un mélange de plein de choses où on a besoin d'une discussion et d'expérience. Et en plus, le marché évolue tout le temps. C'est-à-dire que les produits qui sont proposés change tout le temps. Et en plus, comme on n'est pas un comptoir dans un supermarché, il n'y a pas d'étiquette avec une liste des ingrédients, liste des effets possibles ou pas. La posologie, il faudra en prendre un ce soir. Il y a tous ces problèmes-là qui vont se gérer. Donc le problème de personnel dont tu parlais tout à l'heure avec ta sœur, c'est un problème qui est à gérer aussi. On n'est pas là pour dire, enfin moi en tout cas, je ne suis pas là pour dire que l'héros c'est cool ou telle autre drogue. Il n'y a aucune substance qui est anodine en fait. Rien du tout. Rien du tout. Et cette personne-là, si maintenant elle n'est pas bien, elle a besoin d'aide, elle a besoin d'être accompagnée. Mais de manière transparente et lucide, bienveillante et non moralisatrice ou dans le jugement. Et c'est ça manque. Moi, je veux bien. Quand tu m'as dit pourquoi est-ce qu'on voit. On a tellement cette image de la drogue, c'est mauvais, on a des films comme ça où c'est que de la souffrance, de la torture. Les films et la réalité aussi, des fois. Et la réalité aussi, et c'est vrai, je crois qu'on a tous plus ou moins connu à distance ou entendu parler d'une histoire comme ça un peu triste, tragique liée à la drogue. Mais je pense qu'une des premières raisons, c'est que la drogue, de manière générale, c'est un bon objet à addiction. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'addiction aux jeux vidéo, d'addiction au shopping, d'addiction au sport, de sportaholic ou de workaholic. Y a de quoi t'as dit là ? Des workaholic, les gens qui sont accros au travail. C'est aussi un délire. Tu vas regarder au Japon, les gens ils dorment chez eux, etc. Et y a des endroits où les gens bossent trop, ils sont accros à leur boulot. Et en fait, je crois que c'est important de différencier la drogue de l'addiction. L'addiction, c'est un problème, je ne sais pas si on peut appeler ça une maladie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est problématique pour une personne, ça l'empêche de vivre sa vie pleinement et de s'épanouir. Et la drogue peut facilement amener les gens à être addicts. Parce que c'est vrai que voilà, quelqu'un qui a des comportements addictifs, les substances chimiques peuvent beaucoup plus facilement amener à des comportements excessifs et maladifs et problématiques. En plus du fait que c'est mal vu, etc., qu'il n'y ait pas d'accompagnement, les gens peuvent vraiment se perdre là-dedans. Et je crois que comme c'est historique aussi, ça fait quand même assez longtemps que la drogue partage la société. On a toujours eu une culture où on va rejeter ça, on va l'éloigner et faire genre ça n'existe pas pour faire en sorte que ça disparaisse. Est-ce que c'est resté dans l'histoire du fait qu'on se dit voilà, les drogués, on va les mettre ça de côté? Mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive à quand même réfléchir au fait que les addictions et les drogues, c'est des choses différentes. Les addictions peuvent porter sur plein de sujets différents. Et en fait, le problème, c'est l'addiction. C'est pas le fait que tu consommes de la drogue. Moi, personnellement, j'ai des addictions à certaines substances. Je fume de la beuh tous les jours depuis 10 ans. Je bois très souvent et clairement, ça m'impacte dans ma vie. Pourtant, j'ai testé une pléthore d'autres drogues. J'ai pris du LSD, j'ai pris du 2CB, du 25i, du 22nd Baum. J'ai pris de la meth, j'ai pris du speed, j'ai pris un paquet de trucs qui m'ont apporté énormément en fait et qui n'ont jamais été des problèmes dans ma vie, qui n'ont jamais entraîné d'addiction. Et ça, je pense, c'est important de souligner. Il faut séparer les deux choses. Et après, voilà, si on tombe dans la drogue, généralement, ce n'est pas pour rien. On ne commence pas la drogue de nulle part. Généralement, c'est justement des gens qui sont un peu en recherche d'eux-mêmes. Souvent, j'entendais ici, les gens, ils ont à peu près commencé au même âge que moi, à 15 ans. Et c'est vrai que c'est une période où on se cherche. Et si on découvre ce truc-là, à ce moment-là, dans un moment où... Moi, perso, j'étais dans une école élitiste sciences maths, je ne pouvais pas leur dire que je prenais de la drogue, mais du coup, j'ai vécu dans deux mondes séparés, je n'ai jamais pu croiser les deux. Et si j'avais peut-être pas eu la force de rester à l'école, peut-être je serais tombé tout à fait dans le monde de la drogue, parce que ça m'aurait pris, parce que je n'aurais pas eu l'occasion de faire autre chose, et parce que c'est un bon sujet à l'addiction aussi. Tu vois. Et donc c'est pour ça que je trouvais ça important de le souligner, qu'on dit tout le temps la drogue c'est mal, etc. Mais je crois qu'il faut un peu sortir de ça et dire que ce n'est pas la substance le coupable, c'est tout un tas de facteurs qui créent l'addiction. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment problématique. Et je crois que c'est aussi un peu l'idée de Modus, c'est de se dire, bah voilà, nous on va accompagner les gens dans la drogue récréative et les prévenir si ça commence à devenir dangereux. Quoi. La drogue récréative, il y a parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Toi qui es un petit peu le chef de la bande, au niveau de la loi, si tu pouvais un peu nous expliquer où ça en est tout ça et si vous, quel est votre... Oui, comment vous suivez la politique, comment la politique peut changer la donne, enfin plutôt comment le concret d'une assoce comme celle-ci peut changer la donne. Alors la loi qui régit l'usage de drogue en Belgique, elle date de 1921, elle fête donc son centenaire cette année, c'est un unhappy birthday, et donc on a d'ailleurs lancé une campagne au boulot qui s'appelle Stop 1921 pour réussir à modifier la loi d'ici la fin de l'année pour qu'elle... Mais c'est quoi cette loi? Modifier quoi dans la loi? Donc pour l'instant, toute consommation de substances est interdite par la loi. Toute. Il y a une liste. Mais pas l'alcool. Mais non, parce que l'alcool n'est pas dans la liste. C'est donc, ça qui est rigolo, parce qu'on a parlé de ça. Et... L'alcool n'est pas dans la liste, le tabac n'est pas dans la liste. Le cannabis est en partie dans la liste, parce que le cannabis avec du THC est dans la liste, mais le cannabis avec du CBD dedans n'est pas dans la liste. Donc il y a une liste. Voilà. Et. Tout ce qui est dans cette liste est interdit, point. Il y a par exemple aussi dans cette loi un truc qui interdit aux gens de mettre à disposition des locaux pour consommer ou pour aider à la consommation de produits. Cet article de loi, il a été créé donc en 1921 pour lutter contre les fumeries d'opium. Mais on est en 2021, donc il n'y a plus de fumerie d'opium. Et à cause de cette loi, on ne peut pas mettre, par exemple, de salles de consommation à moindre risque en place. Et donc, c'est plein de choses qui ont été mises en place. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lance une campagne pour changer la loi. Il y a du lobbying politique qui se fait. C'est quoi ce lobbying politique? Il y a par exemple le PS, il y a Vincent Eutendal qui est assez sensible à ce genre de questions, qui va ramener ça vers le Parlement. Qui va consulter nos associations, plutôt au niveau des directions et des choses comme ça. Il y a d'autres assos, comme la liaison prohibitionniste, qui lutte aussi dans ce courant-là. Il y a la FEDITO, qui est la fédération de toutes les associations qui travaillent en toxicomanie. Voilà, il y a d'autres modèles qui existent. Je veux dire, au Portugal, par exemple, toutes les drogues sont dépénalisées. Quand on est arrêté par la police au Portugal pour consommation, on n'est pas emmené justement par la police ni par la justice, on est emmené vers la santé publique pour voir si on ne pourrait pas faire un suivi psychologique ou des choses comme ça. Et qu'est-ce que ça a eu pour conséquence au Portugal? Est-ce qu'on a vu les prisons qui sont vidées? Est-ce qu'on a vu les rues avoir moins de toxicos? Est-ce que ça a eu un effet positif ou pas? Parce que de dire que ça s'est passé comme ça au Portugal, maintenant il y a une expérience qui est assez longue. C'était quoi les résultats? Apparemment, ça vide les prisons assez bien. Sur les trafics aussi, il y a moins de trafic visible, mais c'est moins mon domaine d'expertise, je t'avoue. Mais donc, il y a un marché un marché parallèle qui est asphyxié. Et en fait, on voit qu'il y a une consommation qui est quand même amoindrie. À partir du moment où on arrête d'interdire, bizarrement, la consommation baisse. Comme par exemple pour le cannabis, on le voit en France... La France est le pays le pourcentage par tête d'habitants, il y a plus de consommateurs en France qu'en Hollande où le cannabis est légalisé. Ça pose quand même certaines questions. La prohibition, le prohibitionnisme qui a été depuis, tu dis 1921, 100 ans, on voit bien à quoi ça mène. Ça ne mène en fait à rien. Et donc de s'enfermer dans cette pensée, de se dire en interdisant, on va diminuer ou arrêter les gens de consommer, c'est une vaste blague que les politiques continuent encore de véhiculer à des fins purement électoralistes. Parce que de dire à mémé qui vote tel parti, ou papy qui vote tel parti, ou monsieur, madame, tout le monde, de leur parler, de leur regarder droit dans les yeux, de leur dire, en fait, interdire, ça ne sert à rien, il va falloir passer à autre chose. C'est très compliqué d'avoir ce discours vérité. Et le premier parti qui le fera, se fera taper sur les doigts par les autres partis en lui disant « Mais toi, t'es laxiste, c'est n'importe quoi. Moi, je suis le parti qui va sécuriser vos rues, alors que ce parti-là va faire que vos petits-enfants, vos enfants, toute la société va se droguer. Et ça, c'est très mal. » Donc ouais, des expériences comme ça dans d'autres pays ou des légalisations de cannabis aux États-Unis ou dans d'autres contrées, c'est des exemples à observer de beaucoup plus près et d'avoir un discours plus pragmatique, de se dire, oui, 100 ans de prohibition, ça n'a mené strictement à rien. J'ai rien à rajouter là-dessus. Quelqu'un a envie, il reste 3 minutes pour dire quelque chose d'essentiel qu'on n'a pas dit. C'est eux qui doivent dire bonjour, ils ont pas dit bonjour, ils sont pas présents. Vous voulez dire bonjour dans le micro? Oui, je sais. Salut. Ça va? Très bien. Comment tu t'appelles? Alizé. Et toi? Bonjour, moi c'est Mad. Je vais enchanter, hein. Voilà. Bref, bon. Moi, je peux dire quelque chose. Ah. Je trouve ça... voilà, je veux dire quelque chose. du coup, je trouve ça super chouette qu'on ait fait ce... partage, ce micro ouvert, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est hyper stimulant et je pense que ça peut faire aussi avancer le débat, étant donné qu'on a tous un avis quand même assez divergent, mais ça se rejoint. Tu trouves que c'est divergent? Moi je trouve que vous donnez tous... Non, moi, tu trouves que c'est divergent? Il y a une certaine cohérence, mais d'un autre côté il y a aussi une divergence, parce qu'on a chacun nos personnalités et notre manière de concevoir les choses. Donc c'est intéressant aussi de voir ce que chacun pense. Moi en tout cas, ça m'a permis d'un peu observer, apprendre et... satisfaisant. Donc merci. Bah, merci à vous, hein, ça se passe dans les deux sens. Mais on n'a pas eu ton avis à toi. Lequel? Sur? Sur Modus, sur la consommation. On n'a eu aucun avis de ta part. Mais qu'en oui. Penses-tu de la drogue? Bon. Tu veux? Il reste pas beaucoup de temps. Mais écoute, moi je trouve que la démarche ici, elle est intéressante, elle fait réfléchir, quoi. Parce que je disais, oui, moi, mon expérience de la drogue, oui, j'ai fumé des pétards. J'étais avec une amie très proche qui est tombée dans la drogue. Mais quand je dis tombée, vous voyez, c'est tombée, quoi. Ça devient tout maigre, on mange plus, on plante plus qu'à ça. Ma sœur aussi. Enfin, voilà, j'ai l'impression, moi, ma génération, les gens, c'était d'office l'héroïne, quoi. Il y avait pas. C'est pour ça qu'ici, c'est un peu comme une nouvelle. Approche, une nouvelle manière de consommer de la drogue plus récréative. C'est pas on tombe dans le trou, quoi. Voilà, et je trouve que c'est... On peut tomber dans des trous de temps en temps, mais c'est parce qu'on regarde pas où on va. Et tu voulais dire un truc, j'ai vu... C'était peut-être un petit mot de la fin, en mode, ben voilà, si vous écoutez ça, que vous connaissez pas forcément le monde de la drogue, si un jour vous êtes confronté directement ou via quelqu'un que vous connaissez qui est face à ça, ben... Au lieu d'avoir les réflexes de « c'est mal, il y a un problème, etc. », essayez de vous ouvrir, aller vers la bienveillance, essayez de vous intéresser à ce que la personne ressent, à qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il existe des associations comme celle-ci qui peuvent accompagner les gens ou vous accompagner dans vos expériences. Et bah, je crois que c'est peut-être un peu le message que tout le monde aura envie de faire passer, c'est essayer de vous aimer, accepter. Et au lieu d'aller... Essayer de vous aimer, c'est ça que tu as dit? Oui, mais accepter l'amour, la chose. L'amour, la drogue, le sexe. Non, mais... Tu dis? Parce que pour le consentement... Mais non, c'est un autre débat. Mais donc voilà, juste essayer d'être bienveillant, vous ouvrir, pas être dans le jugement. Je crois que c'est la meilleure manière de vous aider et d'aider les autres, quoi. C'était tout ça que j'avais envie de dire. Et donc voilà. Surtout que aller dans notre génération, en tout cas dans ma génération à moi, qui est assez jeune... Enfin, il y a des gens qui tombent, mais c'est plus à des fins, on a envie de s'amuser, On sait qu'il y a pas mal d'associations qui peuvent nous accompagner pour prendre de façon assez responsable. Et puis, je pense que notre génération n'a plus été sensibilisée à prendre de façon responsable aussi. Du coup, on sait que prendre la drogue, ok, mais mange, bois de l'eau, essaie de pas mélanger. Et c'est les meilleures choses. Et surtout, mange et dors. C'est le plus important.